assassins des pompons, les assassins les pompons, les indépendants, ils nous emmerdent depuis longtemps. Les indépendants, ils nous emmerdent depuis longtemps. Chantal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle, c'est pas normal, tu dois s'en mal. Chantal, t'as mis moi dans ton cheval, c'est pas normal, tu dois s'en mal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Les indépendants, ils nous emmerdent depuis longtemps. Les indépendants, les assassins, les décédés, les pompons, les dandans. Les indépendants, depuis longtemps.